Accord habilement tissé, mes perles de pluie dérobées, on y sois-tu. Toi le filante mélodieuse qui me tue, comment te résister? Je suis la proie de tes invisibles filets. De nature ne m'a pas fait à régner.